Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. Ce supplément écrit par frère Réginald de Piperneau, est tiré du commentaire de saint Thomas sur Pierre Lombard, le maître des sentences, écrit en 1254-1256. Du mariage. Explication. Nous considérons le mariage d'abord comme fonction naturelle, ensuite comme sacrement. Après sa notion préliminaire, nous l'envisageons d'une manière absolue, et nous commençons par expliquer la nature des fiançailles qui le précèdent, puis nous le définissons. Nous appuyons tout spécialement sur le consentement, qui en est la cause efficiente. Nous disons un mot de ses biens. Viennent ensuite les empêchements, que nous signalons en général, pour les expliquer ensuite en détail, à commencer par celui de l'erreur. Nous montrons que les secondes noces sont permises, et nous terminons par les annexes du mariage. Question 41. Du mariage considéré comme fonction naturelle. En quel sens le mariage appartient au droit naturel? Il n'est pas de précepte, licité et mérite de son usage. 1. Le mariage appartient-il au droit naturel? Le mariage ne découle pas immédiatement et nécessairement des principes de la nature. Une action qui s'accomplit par le libre arbitre n'est pas naturelle de cette manière. Il entre dans le droit naturel, mais à la façon seulement des actions vertueuses et des vertus produites sous l'impulsion de la nature par l'intermédiaire de la volonté. La raison naturelle incline l'homme pour deux fins, d'abord, pour une fin principale, qui est le bien des enfants. L'intention de la nature, ne se bornant pas à la génération, veut la croissance des enfants et leur progrès jusqu'à l'âge parfait de la vertu. Aristote disait très bien, « Nous recevons de nos parents l'être, la nourriture et l'éducation. » Or ces trois biens, les enfants ne les reçoivent de leurs parents que tant que ceux-ci sont unis par le lien du mariage. La nature incline ensuite au mariage pour une fin secondaire, qui consiste dans les services réciproques que peuvent se rendre les époux dans les soins du ménage. Si la raison naturelle a enseigné aux hommes qu'ils doivent vivre en société pour se suffire dans leurs besoins, elle leur apprend aussi que, parmi les occupations de la vie domestique, les unes conviennent aux hommes, les autres aux femmes, et elle les porte ainsi à l'association permanente du mariage. Note. L'inclination naturelle de l'homme au mariage le distingue des animaux. Le mariage a existé dès l'origine du monde. Fin de la note. 2. Le mariage est-il de précepte? Celui qui marie sa fille, disait saint Paul, fait bien. Celui qui ne la marie pas fait mieux. 1 Corinthiens 7:38. Donc le mariage n'est pas de précepte. Une récompense particulière, l'auréole, est promise aux vierges, on ne donne point de récompense pour la violation d'un précepte. Quand la nature incline vers ce qui est nécessaire à notre perfection individuelle, elle nous impose une loi. Les perfections naturelles doivent être dans tous les hommes. Il n'en est pas ainsi lorsqu'elle incline vers ce qui est nécessaire à la perfection générale de la société, où les fonctions sont si diverses que souvent elles s'excluent. L'agriculture, par exemple, et l'art de bâtir sont indispensables aux sociétés humaines. Et cependant ce n'est pas une obligation pour chacun des hommes d'être agriculteur ou maçon, le vœu de la nature est satisfait dès que les divers états sont exercés par divers individus. Or il est nécessaire au bien du genre humain que quelques hommes se livrent à la vie contemplative, incompatible avec le mariage. L'inclination naturelle pour ce dernier état ne se présente donc point sous la forme d'un précepte. Les philosophes de l'Antiquité le reconnaissaient, Théophraste démontrait qu'il ne convient pas aux sages de se marier. Note. Que l'on ne nous oppose pas ces paroles que Dieu prononça dans la première institution du mariage, croissez et multipliez. Genèse 28. Ce précepte n'oblige pas chacun des hommes en particulier, nous venons d'en donner la raison. Alors même qu'il eût été obligatoire à une époque où le petit nombre des hommes exigeait que tous concourussent à la propagation du genre humain, il ne le serait plus de nos jours. Il suffit maintenant à la providence divine, qui règle toutes choses, que chacun, consultant son tempérament et ses goûts, choisisse l'état qui lui convient, celui-ci le mariage, celui-là la vie contemplative. Les inclinations naturelles sont assez diversifiées pour que la société n'ait à redouter à cet égard aucun danger. Fin de la note. 3. L'usage du mariage est-il licite? Saint Paul dit, si quelqu'un a marié sa fille, il n'a pas péché. 1 Corinthiens 7, 28. Le même apôtre écrivait à Tite 5, 14, au sujet des femmes veuves, j'aime mieux que les jeunes se marient et engendrent des enfants. Bien plus, il prescrivait aux personnes mariées l'action du mariage comme un devoir rigoureux, que, le mari, dit-il, rende à sa femme ce qu'il lui doit, et la femme ce qu'elle doit à son mari. 1 Corinthiens, c. 3. L'usage du mariage est donc licite. Il ne se peut pas, en effet, que la génération des enfants, qui perpétue le genre humain, et à laquelle incline la nature, soit toujours illicite, ou bien il faudrait dire, avec les manichéens, que notre nature corporelle vient de quelques principes essentiellement mauvais, et non pas de Dieu, ce qui serait une hérésie très pernicieuse. Note. On objecte que l'usage du mariage sépare de Dieu l'esprit de l'homme, inspire une certaine honte, ressemble même à l'adultère et absorbe la raison. Tout cela ne prouve pas qu'il soit un péché. S'il sépare de Dieu l'esprit de l'homme, il ne le sépare pas de la grâce sanctifiante. Beaucoup d'occupations licites empêchent pour un moment l'union de notre esprit avec Dieu. La honte qu'il inspire est une punition du péché d'Adam, et non la honte qui suppose une faute. Il ressemble à l'adultère dans l'espèce physique, mais non dans l'espèce morale. Tuer un homme par violence ou le tuer par ordre de la justice, ce sont deux actes moralement différents, quoique physiquement pareils. Enfin, la délectation qui paraît y absorber la raison n'est pas contre la raison, qui l'a fait d'avance rentrer dans l'ordre. Fin de la note. 4. L'usage du mariage est-il méritoire? L'usage du mariage accomplit un précepte et un acte de justice, un précepte, car saint Paul dit, que le mari rende à son épouse ce qui lui est dû. 1 Corinthiens 7 3, un acte de justice, puisqu'il est appelé un devoir, donc il est méritoire, dès que, accompli en état de grâce, il a pour principe la charité. Comme il n'y a pas d'actes indifférents parmi ceux qui procèdent d'une délibération libre, l'usage du mariage est mauvais ou méritoire dans l'homme en état de grâce. A-t-il pour principe une vertu, par exemple, la justice, qui rend à chacun son droit, ou la religion, qui se propose de donner à Dieu des serviteurs, il est méritoire. Procède-t-il d'une passion désordonnée, mais renfermée dans les limites même du mariage, dont on ne veut point trahir la foi, il est un péché véniel. Outrepassant toute borne, Se propose-t-on d'accomplir la même action avec toute personne indifféremment? Le péché est mortel. Note. Il ne répugne pas qu'il y ait du mérite à faire un légitime usage des bienfaits de Dieu. Question 42. Du mariage considéré comme sacrement. Le mariage est un sacrement, son institution avant le péché, après le péché, et sous la loi nouvelle, grâce qu'il confère. Son usage n'est pas de nécessité de sacrement. 1. Le mariage est-il un sacrement? L'apôtre, 5, 32, écrivait aux Éphésiens, « Ce sacrement est grand. Le mariage, dont il parlait, est, en effet, le signe d'une chose sacrée, et, comme on va le voir, il applique aux hommes un remède sanctifiant, pour les guérir du péché, c'en est assez pour qu'il soit un sacrement. » Note. Le sacrement de mariage a pour forme les paroles qui expriment le consentement des parties contractantes, et non la bénédiction du prêtre, simple cérémonie sacramentelle. Sa matière consiste dans les actes qui accompagnent le consentement. Il rend conforme à la passion du Christ sous le rapport de la charité, avec laquelle le Sauveur a souffert pour l'Église qu'il vous laisse unir comme une épouse. Fin de la note. 2. Le mariage fut-il institué avant le péché? N'avez-vous pas lu, a dit notre Seigneur, que celui qui créa l'homme au commencement, fit un homme et une femme, Matthieu 19, 4. La nature, en inclinant au mariage, se propose un bien proportionné aux divers états du genre humain. Avant le péché, le mariage existait pour la génération des enfants, nécessaire aussi dans l'état d'innocence. Après la chute d'Adam, il fut de nouveau institué comme remède contre la blessure du péché, ce qui eut lieu sous la loi de nature. Au temps de la loi écrite, Moïse introduisit la détermination des personnes. Sous le Nouveau Testament, il a reçu une nature telle qu'il représente le mystère de l'union du Christ et de l'Église, et de ce moment il est devenu un sacrement de la loi nouvelle. Quant aux avantages qu'il procure à la société, tels que l'amitié réciproque des époux et les services mutuels, il a aussi son institution dans la loi civile. Note. Dieu instituait le mariage avant le péché, lorsqu'après avoir formé la femme de la côte de l'homme, il dit, croissez et multipliez. Fin de la note. 3. Le mariage confère-t-il la grâce? Si le mariage ne conférait pas la grâce, il n'aurait rien de plus que les sacrements de l'ancienne loi, et ce serait en vain qu'on le compterait parmi ceux de la loi nouvelle. Contracté par les fidèles du Christ, il a certainement la vertu d'aider à remplir les devoirs imposés aux époux, car si l'homme, toutes les fois qu'il reçoit un pouvoir d'en haut, reçoit aussi les secours nécessaires pour en faire usage. Il faut que, dans le mariage, qui lui donne, en vertu de l'institution divine, la faculté de s'unir à son épouse pour la génération des enfants, il reçoive la grâce d'accomplir une telle action comme il convient. Note. La grâce que confère le sacrement de mariage remédie de plusieurs manières à la concupiscence, elle la comprime dans sa racine même, lui assigne une fin légitime dans les biens du mariage, et détourne l'homme des plaisirs illicites en l'habituant à ceux que la raison permet. C'est ce qui faisait dire à l'apôtre, « Il faut mieux se marier que de brûler ». 1 Corinthiens 7, 9. Les actes mêmes du mariage, quoique naturellement propres à la développer, la répriment néanmoins, du moment qu'ils ont la raison pour règle. Fin de la note. 4. L'usage du mariage est-il nécessaire à son intégrité? Le mariage existait dans le paradis terrestre, et cependant Adam et Ève n'en usèrent point, donc l'usage n'en est point une partie intégrante. Il y a deux sortes d'intégrité, l'une principale, que constitue l'être même des choses, l'autre secondaire, qui consiste dans l'opération. L'usage du mariage, supposant un pouvoir donné par le mariage même, entre dans cette seconde intégrité, mais non dans la première. Note. Le mariage où les époux gardent une continence parfaite n'en est que plus sain. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.